C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut, bon matin. Pascal, on s'est pas parlé il y a un mois parce que, évidemment, il y a deux semaines, parce que j'ai fait une chronique de soccer parce que c'était la nomination de Thierry Henry à la place. Et c'était une grosse okay. nouvelle, mais ça, on va mettre notre placotage à date. Mais avant tout, il y a une nouvelle qui est tombée hier qui est importante pour le Canada. Le Canada dans pour les Jeux Olympiques. Enfin, on a reproché, c'est Nick Nurse a reproché que les joueurs de la NBA n'étaient pas là dans le tournoi cet été. Mais là, finalement, Jamal Murray a confirmé qu'il va représenter le Canada et Alexander également a confirmé qu'il va y aller. Est-ce que ça va amener Andrew Wiggins et R.J. Barrett? Sûrement qu'R.J. Barrett va y aller parce que c'est son père qui est directeur général. Donc, Ça va être intéressant, Danny, de voir si Wiggins va jouer ou non. Là. Ouais. Je pense que le Wiggins avait un problème avec l'ancien entraîneur de Canada, peut-être avec Nick Nurse, ça va être intéressant. Surtout que Nick Nurse a la chance probablement de le rencontrer pendant la saison, de discuter avec lui, de lui dire c'est quoi son rôle. Fait que moi, je serais pas surpris de voir Wiggins revenir avec l'équipe canadienne. Ouais. Ça, c'est numéro 2 des qualifications avec le Canada. Je pense qu'on est avec la Chine puis la Grèce dans notre petit pool. Là. Ouais. Fait que, il va y avoir 6 équipes à Vancouver. Ça se passe à Vancouver. Okay. Il y a 4 places sur la planète. Donc, il y a 24 équipes qui se battent pour 4 places pour les Olympiques. Ouais. Nous, on doit gagner ces qualifications-là. Je pense que c'est milieu juin. Là. Mm. Fait que l'équipe qui gagne. Fait qu'il va y avoir 6 équipes. L'équipe qui gagne va aux Olympiques. Okay. Fait que ça ne sera pas nécessairement facile en passant. Ouais, mais Canada, des gros. Tu as la chance d'aller sur le site de FIBA, tu peux voir les trois autres équipes qui vont être là. Mais je sais que le Canada, la Chine et la Grèce ils vont jouer un contre l'autre. Ouais. Et vraiment, après ça, je pense que les deux des trois restent. Le troisième est éliminé automatiquement. Là, on joue contre les trois autres équipes. OK. Mais quand même, n'empêche que le Canada, là, le fait que c'est à Vancouver, le fait que c'est que Nick Nurse a mentionné finalement qu'il veut avoir le plus de professionnels possible. Et Jamal Murray a confirmé, je pense que ça va faire un engrenage. Puis on va peut-être voir pour la première fois le talent canadien, la vraie équipe canadienne. Ben, on va voir. Je pense que la vraie équipe canadienne, c'est les athlètes qui se présentent l'été et qui sont prêts à participer et à donner tout leur temps. Ouais. Mais tu parles au niveau de talent. Oui, ouais, c'est ça que je te dis. Je pense que ça va être très intéressant de voir les joueurs qui peuvent se présenter et comment est-ce qu'on peut performer. Okay. On a quand même d'excellents joueurs. Tu serais surpris là, si tu fais la liste d'Annie, là, tu fais ta liste de joueurs canadiens dans la NBA cette année. Là. Ah, c'est fou. On est capable de faire une équipe au complet. Là. Plus les jeunes qui s'en viennent, tout ça, là, mais c'est sûr que ça prend des joueurs d'expérience. Là, mais un Kelly Olynyk puis un Cam Birch, les autres qui ont quand même participé, un Chris Boucher, je veux dire, ça devient très intéressant. Ça devient une équipe là, qui est capable de performer à un très haut niveau. Là, je pense qu'on est. Puis Nick Nurse, c'est probablement le meilleur choix comme entraîneur en ce moment, là, parce que il a déjà vu qu'il va avoir une année déjà avec l'équipe nationale, fait qu'il sait un peu comment ça fonctionne le côté international, fait que, non, ça va être intéressant, c'est sûr que ça va faire que toi et moi, on va se parler en juin. Oui, c'est ça. Mais Pascal, puisqu'il est question d'équipe olympique canadienne, il y a un joueur qui est décédé récemment, là, Pasquale. Il a l'air Pasquale. Ouais. Ouais. C'était-tu un bon joueur? C'était-tu. Oui, c'est un excellent joueur. Il a tout donné pour l'équipe nationale. Il a connu de très bonnes saisons internationales. Okay. Je ne me trompe pas. Je pense qu'il y a eu certains essais avec les équipes NBA. Ouais. Mais oui, c'est un très, très, très bon joueur de basketball. Donc, c'était bien avant l'époque. Là. C'était bien avant l'époque. Là, que c'était dans le temps qu'il y avait Jack Donahue. Oui, c'est ça. Jack Donahue était l'entraîneur. Puis, OK. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'entendais le nom Hilaire Pasquale. C'était comme le gros joueur au Canada. OK. Pascal, on va parler d'NBA maintenant. Je veux te parler des Raptors. 13 victoires, 4 défaites. Il y a des joueurs qui livrent la marchandise. Tu l'avais mentionné que... Écoute... Il fallait savoir que les Raptors, sans Kawhi l'année passée, c'était une très bonne équipe sans Kawhi, donc c'était prévisible d'avoir une bonne équipe également, mais dans la lutte, là, c'est... Écoute, ils sont dans la lutte pour la première position, et qu'un match derrière les Bucks. Écoute, je l'ai dit, je l'aurais dit, pas parce que c'est Toronto et le Canada, là, mais... C'était une très bonne équipe sans leur joueur vedette l'année passée. Puis Ibaka puis Laurie Pimpola en plus de ça. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que si on prend OG Adanobi, ouais, Van Lee. Qui est le joueur qu'on a oublié l'année passée, qui faisait partie de l'équipe, mais qui était blessé, donc qui n'était pas dans les séries, là. Et t'ajoutes le je sais pas si je peux utiliser le mot émergence ou... Van Lee? Van Fleet est ridicule. Van Fleet est meilleur que Kyle Lowry. Là. Je m'excuse. Là. Ouais. C'est quasiment mieux que Kyle Lowry soit blessé en ce moment. Là. C'est sûr que Kyle Lowry et Ibaka ils font une différence, mais qu'ils seront de retour. Mais Pascal Siakam en ce moment, il l'a dit l'autre fois lui-même. Là, je suis dans la course pour le joueur le plus utile dans la NBA. Mm. Là, j'ai trouvé drôle, mais c'est la confiance qu'il a. Toronto pourrait se retrouver en finale. Je vais te rappeler. D'année que lorsque Michael Jordan a quitté les Bulls, l'année qui a suivi, ils ont gagné au moins 50 matchs, je ne me trompe pas. Ils ont perdu contre les Knicks, je pense que c'était match numéro 7 au Madison Square Garden. Puis c'est encore suspect, là. L'arbitre a sifflé une faute à Scottie Pippen, je ne me trompe pas. Mm. Puis ils ont perdu. Là. Mais ils étaient à un point ou une faute de se rendre en finale sans Michael Jordan. Mm. Parce que là, on parle du meilleur joueur qui quitte une organisation, tu sais. Ouais. Les Raptors, ils n'ont pas tombé. Là. Quand LeBron a quitté Cleveland ou Miami, ben, ça a été dur de se replacer, là, tu comprends? Mm-hmm. Mais Toronto, absolument pas. Fait qu'on on est près de la continuité. Puis c'est vraiment le fun parce que ça garde cet engouement-là. C'est pas comme si c'était l'équipe de Kawhi. Non. Kawhi s'est joint à une très bonne équipe qui était prête, qui cognait à la porte. Ouais. C'est quasiment la même équipe. Puis on a changé Kawhi pour DeMar DeRozan. Puis en passant, Danny, il y a des rumeurs qui ramèneraient DeRozan à Toronto. Ah oui? OK. Ah, c'est tout. C'est tout parce que là, les Spurs ont perdu 8 matchs consécutifs, et ça, je voulais en parler tantôt. Mais c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que les Raptors vont être acheteurs? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. OK. Parce que c'est sûr que je te dis rumeur, parce qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être le voir revenir. Lui-même, il aimerait peut-être revenir, mais là, qu'est-ce qui tu es? T'sais, c'est probablement qu'Ibaka irait à San Antonio. Tu sais, faut que tu perdes Adanobi, c'est ça. Mm. Moi, si je suis du côté des Raptors, est-ce qu'on a besoin de faire un échange? Est-ce qu'on a besoin d'échanger un de nos joueurs? Je suis pas convaincu, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est... OK. Mais puis cette équipe-là, après, a gagné l'année passée. C'est pas comme avant, là. Exact. Est-ce que les équipes veulent Mark Gasol? Je pense que personne veut Gasol ou Kyle Lowry. Disons okay. La vérité, là. Ouais. Personne veut. Ibaka, probablement. Adanobi, c'est sûr. Van Fleet, c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que tu débarrasses de Van Fleet pour chercher DeMar DeRozan puis la mettre avec Kyle Lowry quand Van Fleet, c'est ton futur? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça va être intéressant, mais ça, c'est quelque chose. Ça va être une petite histoire à suivre, Danny. Ouais, ça va être très intéressant si les Raptors vont être. Hey, puisqu'il est question de Toronto, puis après ça, on va faire le tour de la NBA. Masai Ujiri, tu sais, qui était très cotisé encore une fois l'année passée, et ainsi de suite. Les Knicks de New York, j'ai vu ça passer il y a quelques semaines, voudraient l'avoir comme président. Ça doit être tentant quand tu as un appel de la grosse pomme. Ben, c'est tentant. N'oublie pas que les Lakers aussi l'ont appelé. Puis c'est encore. Ouais. On parlait de peut-être 10 millions. Ouais. Les Wizards aussi. Ouais. Mais lui, il est dans une bonne place en ce moment. Tu sais, des fois, ce que j'aime de Masai Ujiri, des fois. Puis tu sais, c'est chaque individu différent d'année. Peut-être que moi, si je serais à sa place, je serais parti à Los Angeles avec les 10 millions. Hein, plus de froid, plus de neige. Ouais. Los Angeles, tu veux dire. Mais je pense que Masai Ujiri, il est bien dans sa peau, il est bien dans ce qu'il fait. Il va prendre son temps, puis il va prendre une décision pour lui et pour sa famille. Mais je pense pas qu'il est pressé. Mais c'est sûr que il est devenu une personne très, très importante dans la NBA. Puis quand tu gagnes un championnat, ben on regarde puis on essaie de copier ce que tu as fait pour que ça a fonctionné, tu sais. Ouais. Les Je regarde le classement, les Knicks de New York, 4 victoires, 14 défaites. Écoute, c'est très décevant encore une fois. Eux autres, ils ont manqué le coup. On visait Kevin Durant pour viser le marché du autonome avec R.J. Barrett pour se relancer. Même Zion Williamson pour se relancer. Là. Très difficile à New York. Mark Fizdale, on parle même qu'il pourrait être congédié. Hein? Ouais, mais je pense pas qu'on peut le blâmer en ce moment. Non, hein? Je pense que du côté de... l'organisation des Knicks. Là. Fizdale, je pense que c'est un entraîneur. Fizdale, c'est un entraîneur très respecté. Je pense pas que c'est lui le problème. C'est à moins qu'il y ait des choses que nous, le public, on sait pas. Là. Mm. Moi, je pense que comme entraîneur dans la NBA, il faut être du personnel, il faut être des joueurs. On s'est débarrassé de Porzingis qui connaît une belle saison avec Dallas en ce moment. Mm. Il n'y a pas de gros nom. La vedette, c'est Julius Randle en ce moment. Là, ouais. Les Pelicans l'ont laissé partir parce qu'ils voulaient Zion. Fait que c'est encore pénible à la grosse pente. Non. Puis les Knicks, écoute, c'est très décevant parce que, écoute, c'est les Yankees, c'est une grosse organisation dans la NBA, puis des voir de même. Là. C'est sûr que Masai Ujiri à New York, ça ferait du bien. Je veux te parler de Spurs San Antonio, 8 défaites consécutives. T'sais, à Montréal, là, c'est le bordel. La ville est à feu et à sang. Et on se pose la question, est-ce que Claude Julien va rester? Est-ce que Greg Popovich, après toutes ces années, le message passe encore? Je pense que oui. Okay. Je pense que l'Ouest est très fort en ce moment. Il a quand même bien commencé. Je pense que Greg Popovich, à l'encontre du coach des Canadiens, c'est lui qui va décider s'il s'en va ou non. Mm. Il y a la confiance suprême des propriétaires. Ouais. C'est lui l'expert. Lui, il va tout simplement dire, Tim Duncan, t'es-tu prêt? Je te donne l'équipe. Okay. C'est lui le boss. Fait que ça, là, écoute, il est entraîneur-chef à San Antonio depuis 1997 ou 96. Ouais. Fait que tu peux pas mettre quelqu'un comme lui dehors. Tu comprends? Puis il est unique dans le sport professionnel au niveau de longévité avec une organisation. Mmh. Fait que mais comme tu dis, est-ce que le message passe encore? Moi, je pense que le message passe, mais est-ce qu'il est intéressé encore? Ouais. Tu comprends? Je pense qu'il a vécu beaucoup de choses quand son épouse il y a quelques années. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui s'est passé. Puis je pense que je serais pas surpris que ça soit dans ces dernières années comme entraîneur. Ben, parce qu'il doit être rendu à quoi, 60 quelques années, Greg Popovich? Ouais, ben c'est juste peut-être de dire il a fait le tour du bloc, comme on dit. Là. Ouais, c'est sûr. Probablement qu'il va rester comme consultant ou président ou directeur, mais comme entraîneur-chef, il prépare son monde. Il y a beaucoup d'entraîneurs-chefs en passant dans la NBA qui étaient avec lui dans les Spurs. Ouais. Puis en passant, l'autre fois, il a manqué un match et c'est Tim Duncan qui a fait le match. Okay. Tim Duncan est dans le coaching staff et là, puis moi je pense que s'il va donner l'équipe à quelqu'un, c'est Tim Duncan. OK. Dernier point que je veux te parler, des Warriors de Golden State. 4 victoires, 14 défaites. Les Warriors. C'est incroyable, hein? C'est tout un tout l'autre. Une équipe de dynastie, puis là, dans les bas-fonds. Sais-tu ce qui est incroyable? C'est ouais. que tu viens d'ouvrir. Excuse-moi, Danny. Une des plus belles et plus dispendieuses arénas en Amérique du Nord ou même sur la planète. Et Kevin Durant décide de ne pas revenir. Klay Thompson est blessé pour l'année. Mm. Et ta seule star qui te reste vraiment se brise le poignet puis est out pour la saison. Mm. Fait que cette équipe-là, là, l'autre fois, j'ai regardé le match, là, à part Steve Kerr, je ne reconnaissais personne. Non. Personne. Mm. Fait que c'est sûr que ça va... Et j'ai lu un article qu'après une semaine... dans la saison, ils étaient déjà passés sur le mode 2020-2021. Yeah, puis il y a quelques années, il y avait le championnat, puis c'était incroyable. Ouais. Il y avait même le record du nombre de victoires. Ça, Danny, là, tu sais, c'est les Bulls, ils ont gagné ce championnat, puis après on a fait l'équipe. Tu sais, ça fait combien? Je pense que c'est des cycles dans l'ère moderne à cause des joueurs autonomes, à cause des salaires. C'est des cycles de 5-6 ans quand tu peux être au top. Après ça, ben, tu peux drop facilement. Tu veux dire? Ouais. Pascal, gros merci. On se reparle dans 2 semaines pour la chronique NBA. Avec plaisir, Danny. À bientôt. T'as mis Pascal Jobin.